Alors, c'est pour ça que j'ai choisi que c'est l'incarnation du Fils de Dieu, c'est l'incarnation de Jésus-Christ. Si vous voulez tourner avec moi, puis ce concept-là, là, on le voit, c'est dans Jean 1. Okay? On voit ce concept-là. Ce n'est pas le texte qu'on va voir, mais dans Jean 1, il dit, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et au verset 14, si je ne me trompe pas, c'est ça que j'ai écrit ici. La parole, qu'est-ce qu'elle est arrivée? Elle est de, hein? Qu'est-ce qu'elle a pris? Chair. OK? Alors, chair. Alors, c'est très intéressant. Incarnation, c'est un peu l'image de entrer dans la chair. Je trouvais ça intéressant. OK? Entrer dans la chair. Carna, là, c'est des racines grecques. OK? C'est pour ça qu'on a carnivore. OK? Carnivore, c'est la. Hein? Quand on dit que tu es carnivore, c'est un mangeur de chair, c'est ça, hein, la viande, c'est ça que ça veut dire. Alors, l'incarnation, c'est entrer dans la chair, okay, le mot. Okay? Alors, dans ce sens-là. Je dirais que le but ultime, parce que j'ai dit c'est l'incarnation de Jésus-Christ, mais le but ultime de cette incarnation-là, écoutez, il y a plein d'objectifs là que le Seigneur a accomplis quand il est venu sur la terre. Il y a des sous-objectifs aussi. Okay? Parce que quand tu commences à regarder des textes, là, tu dis, c'est vrai que l'objectif, quand on a vu la personne samaritaine, c'est les gens ont reconnu que Jésus était le sauveur du monde. On reconnaît ça. Okay? Je dirais que c'est un des plus grands, ou je ne sais pas comment le qualifier, de lui donner un qualificatif. Mais il est clair que le but ultime, c'est de venir nous parler de notre Créateur, de venir parler de Dieu. Okay? Jean 1, 18. Il dit, qui peut parler plus que de Dieu, de celui qui est sorti de Dieu? Okay? Puis souvenez-vous de la discussion que Jésus avait eue avec Philippe. Montre-nous le Père. Il dit, hey, regarde, j'étais avec vous depuis le début. Hein? Puis Jean 17, 3, on pourrait en voir des versets là, plein. Jean 17, 3, il dit, or la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent et celui que tu as envoyé. Okay? Alors, vraiment, je dirais, le but ultime, là, à partir de ce grand objectif-là, vous avez tous les autres sous-objectifs qui, naturellement, deviennent des objectifs. Okay? C'est clair que Jésus avait une mission, venir sauver le monde. On est d'accord avec ça. Okay? Et ce matin, on va voir un de ces sous-objectifs-là, alors, qui est dans Hébreux 2, si vous êtes pour ceux qui ont leur Bible, Hébreux 2. J'ai choisi quand même quelque chose qui m'a encouragé, qui m'a encouragé. Hébreux, chapitre 2, les versets 17 et 18 ce matin. Mais je pense que c'est important de se rappeler l'objectif principal du récit ou de l'écriture ou de cette lettre. L'Épître aux Hébreux s'adresse aux chrétiens d'origine juive. Okay? C'est des Hébreux. Ils vivaient tellement de pression qu'ils voulaient retourner au judaïsme. Okay? Ils voulaient retourner là, au sacrifice, ils voulaient retourner à Moïse, ils voulaient tout. Tu sais, la pression est grande, là. Fait que là, l'auteur, il dit, ce qu'il va faire, c'est qu'il veut décrire Jésus-Christ comme supérieur à tout ça. Supérieur aux anges, supérieur à Moïse. Hey, d'être supérieur à Moïse, là, faut que tu sois quelqu'un, là. Okay? Parce que les Juifs, là, Moïse, là, c'est le. Tu sais, puis Abraham, là, c'est les. C'est les top du top, là. Hein? C'est pour eux, le judaïsme. Alors, ce qu'ils veulent, c'est de décrire, justement, l'auteur, c'est de décrire que Jésus est au-dessus de ça. Okay? Et c'est pour ça qu'il va nous décrire, il va décrire que Jésus est un souverain sacrificateur au-delà des sacrificateurs humains. Et ça, je pense que c'est très intéressant pour nous à ce moment-là. Alors, une chose est sûre, le but de l'incarnation, regardez au verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Je vais lire verset 17 et 18. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toute chose à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tenter. Très intéressant. Alors, une chose, si vous remarquez le verset « en conséquence », c'est comme en conclusion, hein, il y a quelque chose qui est très important avant. Et c'est le verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il est venu en aide. C'est intéressant. Il n'est pas venu aider les anges. OK? Il est venu aider qui? Mais c'est à la postérité d'Abraham. On a vu la postérité d'Abraham avec Daniel la semaine passée. Alors, il est venu aider le peuple. Il est venu aider la postérité d'Abraham. Et cette postérité-là, comme Daniel a dit, on peut s'inclure à l'intérieur. OK? Ce n'est pas juste pour les Juifs. C'est sûr qu'il parle du peuple juif, tout ça, mais c'est vraiment pour nous aussi. OK? Il ne faut pas se dire, ah, c'est juste pour le peuple. Non, on est intégré, OK, à l'Église qui est le peuple de Dieu aujourd'hui. Alors, le souverain sacrificateur, c'est très important. Alors, j'ai pensé de s'arrêter, c'est quelle est la différence entre un souverain sacrificateur puis les sacrificateurs? OK? Parce que des fois, on peut oublier ça. Ils ont trois devoirs chaque. OK? Pour les sacrificateurs, ils avaient trois devoirs. Un, servir Dieu dans le sanctuaire. Okay? Il fallait que c'était eux autres qui géraient ça. Deux, ils étaient enseignants de la loi au peuple. Okay? Enseignaient la loi au peuple, les sacrificateurs. Et puis, ils pouvaient, c'était eux qui consultaient l'Éternel avec l'Urim et le Thummim dans Exode 28-10. Vous savez c'est quoi là? Oh non, c'est les pierres. Alors, c'était les sacrificateurs qui pouvaient prendre ces pierres-là, puis c'est comme s'il y avait un contact, puis Dieu leur parlait de sa volonté envers les hommes. C'est trois devoirs en principe, okay, principalement. Mais le devoir du souverain sacrificateur, c'était plus élevé que ça. Lui était surveillant, c'était de la surveillance générale de tout ce qui se passait avec le sanctuaire et les sacrificateurs. Il présidait le Sanhédrin. Souvenez-vous au procès là, de Jésus. Hein? Le grand sacrificateur était là, puis c'est lui qui gérait tout ça. Okay? C'est lui là, qui est le grand maître. Puis c'est lui qui faisait l'expiation des péchés pour le peuple. Ça, c'était extrême, ça. Okay? Tu regardes ça, tu dis, mon ami, j'aurais aimé ça faire ça, mais vous souvenez, ça, c'était très dangereux de faire ça. Okay? C'est pour ça qu'on mettait des clochettes après la robe du grand sacrificateur, puis on lui mettait une corde à la cheville. Parce que tu pouvais rentrer là, mais pas sortir. C'est extrême, ça. OK? Alors, des fois, tu sais, on voudrait avoir tous les grands titres, là, mais des fois, les titres, là, ils ont quand même des conséquences assez graves. Alors, pour le souverain sacrificateur qui amenait le sang, OK, une fois par année, pour expier les péchés du peuple, c'était très dangereux à ce moment-là. Alors, c'est un peu, ça résume les trois devoirs à ce point-ci. Alors, le premier but de cette incarnation-là, c'était que Jésus devienne le souverain sacrificateur. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce sacrificateur-là, il va être caractérisé par deux qualificatifs. Il va être miséricordieux, puis il va être fidèle. C'est quand même quelque chose, là. Il va être miséricordieux, il va être fidèle. Alors, miséricordieux, moi je pense toujours, l'image que quelqu'un m'a fait un jour, puis je la garde toujours, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous avez deux mots, deux images dans le même mot. C'est de lancer une corde à la misère. Okay? Il va être, ce que Jésus va être capable de faire pour nous, quand on va être dans notre misère, il va nous lancer une corde pour pouvoir nous aider. Puis on peut compter sur lui. Okay? Il est fidèle. Deux caractéristiques qu'on a besoin vraiment. Alors, ce n'est pas n'importe quel grand sacrificateur que nous avons, le souverain sacrificateur. Pour le service de Dieu, okay? Il y a un contexte bien particulier, c'était pour le service de Dieu. Maintenant, un des sous-buts là, okay, qu'on peut voir ici, c'est au verset, toujours dans le verset 17, le but c'était de faire l'expiation des péchés du peuple. Okay? C'était pour faire l'expiation. Notre souverain sacrificateur n'est pas comme les souverains sacrificateurs qui étaient auparavant. Parce que qu'est-ce qu'un souverain, avant d'expier les péchés du peuple, qu'est-ce qu'il devait faire, le souverain sacrificateur? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Qu'est-ce qu'il devait faire? Oui, c'est ça, il devait expier les siens. Parce qu'il était un humain, il était un pécheur aussi. Alors, il devait offrir ses sacrifices pour lui. Mais le souverain qu'on connaît, nous, aujourd'hui, avec les Écritures, il n'a pas été obligé de faire ça, lui. OK? Pour lui, il n'a pas été obligé. Il est mort, mais pour les autres, mais pas pour lui. C'est quand même quelque chose, là. Fait que ça nous donne déjà sa nature. Ça nous montre déjà la qualité de souverain sacrificateur qu'on a. Et ça, je pense que c'est important de réaliser cela. Parce qu'aucun homme ne peut expier ses péchés. Aucun homme. Qu'il soit bon comme il voudra. OK? Ce qui veut dire qu'il ne peut pas payer pour ses péchés. Il ne peut pas se racheter. Il ne peut pas rien faire de ça. Puis, ben, pour leur péché, il peut. Non. Oui, oui, oui. OK, ouais, quand il disait, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, c'était spécial. Je ne sais pas si c'est pour vous, là, mais j'ouvre une petite fenêtre. La première fois que j'ai rentré dans le confessionnal. Vous vous souvenez de ça? Tu ne te souviens pas de ça, Denis, quand on allait à la petite école, puis on allait, surtout, aller, ben, toi, tu dois, moi, là, quand on allait, parce que Denis, lui, il a été élevé aux côtés de l'école Monseigneur Côté, puis que l'école Monseigneur Côté, ben, c'était facile d'aller à l'église, là. Hein? On sortait, puis on s'en allait à côté. Puis la première fois, moi, j'ai rentré dans le confessionnal, hey, c'est, qu'est-ce qu'il fait dans le confessionnal quand on rentre? C'est noir. Il fait noir. Puis on le voit pas. Il se fait noir. Puis là, tu entends. Je sais pas si c'était comme ça, là. Moi, j'ai. Hey, t'es jeune, là. T'es là, là. Hey, c'était. Parce que. Il y a un de mes fils, je suis toujours dans la même. Un de mes fils m'accuse d'y avoir lavé le cerveau. OK? Un de mes fils dit ça. J'ai dit, écoute, ben, je te demande pardon si tu crois que j'ai voulu te laver le cerveau, parce que ce n'était pas mon intention. Mais j'ai dit, je vais t'expliquer quelque chose, que tu peut-être que tu m'as dit quelque chose. Moi, ce que j'ai vécu. OK? Moi, ce que j'ai vécu, là, on n'a pas voulu te faire vivre ça. Puis là, j'ai compté ma. Comme je suis en train de vous compter ce matin. Ah, il avait les yeux grandement. J'ai dit, hey, nous autres, là, on rentrait là-dedans. Hein? Hey, c'était épeurant. Et puis là, comme Yves dit, quand il faisait. On voyait comme si c'était en prison. Hein? On voyait pas bien. Là. C'était comme. C'est sûr qu'il y avait un but pour ça. C'était pas qu'on reconnaisse les gens. Je sais pas. Je sais pas. Je pourrais pas dire. Puis là, mon fils, il m'écoutait, il disait, hey, j'ai dit, écoute, ben là, j'ai été traumatisé, mon ami. Fait, tu peux pas juste dire, ton père était traumatisé. Moi, je l'ai été. Hey, puis vous le savez, comme moi, qu'est-ce qu'on. C'était. Ça n'avait pas de bon sens. On inventait. Moi, je n'inventais. Là, je disais, c'est quoi je vais dire? Je n'inventais. C'est ça. C'était ça. C'est littéralement ça. Mais moi, j'ai dit, regarde, moi, là, je vais te dire quelque chose. J'en veux pas à mes parents. J'en veux pas. J'en veux pas à mes parents parce qu'ils ont fait ce qu'ils pensaient qui était bien. Moi, j'en veux pas à mes parents. Je peux pas dire. Fait que moi, je peux pas. Fait que moi, je te demande, dis, regarde, nous, on a fait ce qu'on pensait qui était bien avec toi. T'sais? Puis moi, je ne suis pas un gars contrôlant. Fait que je ne comprends pas qu'il s'est senti. En tout cas, chaque enfant est différent d'un à l'autre. Et j'écoute des fois de mes enfants, j'ai été quasiment comme un saint. Puis d'autres, j'étais de la petite crotte. On ne s'est pas enregistré, ça, là. T'sais, nos enfants sont tous différents. Ils ont tous vu différemment. OK? Alors, je referme la parenthèse. Alors, lui, Jésus, il n'a pas besoin de faire de sacrifice pour ses propres péchés. C'est quand même quelque chose, là. Aucun homme ne peut racheter ses péchés. Alors, c'est pour ça qu'on avait besoin d'un souverain sacrificateur pour que lui, justement, comme dans l'Ancien Testament, l'image de l'Ancien Testament, que c'est lui qui va par son sang. OK? Par son sang. Hébreu dit, par le sang de Jésus, il nous purifie de tout péché. J'ouvre une autre petite parenthèse. Quand les gens croient à la perte du salut, ils ne comprennent pas l'efficacité du sang de Jésus. Moi, là, quand je rencontre quelqu'un et il me dit, regarde, moi, là, je perds mon salut, là, je m'arrête, puis on jase, je suis gentil avec lui. J'ai dit, c'est parce que tu ne comprends pas l'efficacité du sang de Jésus. Okay? L'efficacité du sang de Jésus, quand il dit, il nous a purifiés de tout péché, c'est-tu juste la moitié? Trois quarts? Alors, c'est pour ça qu'on dit, il nous a purifiés de nos péchés passés, présents, futurs. C'est pour ça que j'ai l'assurance d'aller au ciel, pas parce que je suis meilleur que les autres. Mais quand il dit qu'il y a, hein, on a tous mes péchés, c'est tout. J'avais rencontré une personne à un moment donné, un couple assez âgé, qui est nouvellement chrétien. Puis en jasant, il me dit, là, Noël, nous autres, le soir, il faut faire notre acte de contrition tous les soirs pareil. Ah oui? J'ai dit, l'acte de contrition, pourquoi? Faut se repentir, hein? Oui, mais j'ai dit d'un coup, là, tout à coup, là, que vous n'avez pas le temps de le faire, c'est quoi qui va vous arriver? Ben, elle dit, on ira pas au ciel. Voyez-vous? Hein? Ben, c'est ça, quand tu es nouvellement chrétien, là, tu ne comprends pas. Tu sais, des fois, nous autres, là, ce qu'on comprend, ça nous a pris 40 ans. Okay? Puis on voudrait que le gars, ça fait 3 mois qu'il est chrétien, qu'il comprenne tout. Voyons, ça ne marche pas de même. Fait que là, c'est là qu'il faut prendre le temps de leur expliquer. OK? Hey, ça, c'est une bonne nouvelle. Comme ça, si je ne suis pas obligé de faire mon acte de contrition hein, tous les soirs. Oui, c'est ça, voyez-vous? Alors nous, on a ce privilège-là. Parce que notre souverain sacrificateur, quand il a déposé là, hein, au ciel son sang, c'est fini. On est purifié de tout péché. C'est une bonne nouvelle. Moi, là, je peux vous dire, je suis tellement pécheur, là, qu'à tous les jours avant de commencer ma journée, ma femme serait ici ce matin, elle n'est pas, elle est malade, elle vous dirait, Noël, à tous les jours, il dit, « Merci Seigneur, parce que mes péchés sont déjà pardonnés aujourd'hui. » Ça, pour moi, c'est une libération. Je suis libéré. Parce que je suis un pécheur. Je suis méchant. « Ouais, mais Noël, tu n'as pas tué personne, tu n'as pas volé une banque. C'est pas ça, le péché. » On sait ça. Mais les pensées, des fois, que j'ai, des pensées que j'ai envers des gens, je suis un rebelle de nature. Tout le temps, envie de me rebeller. Il dit, va te faire vacciner, j'ai envie de dire non. Hein? T'es malade, reste chez vous, non. Hein? C'est pécheur, c'était en moi, là. La rébellion. Hein? Alors, voyez-vous, je suis content que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ce grand sacrificateur qui est mort pour nous, qui a expié nos péchés. Alors, c'est important de voir ça. Mais il y avait un prérequis qu'on ne pense pas souvent. Regardez le prérequis, le verset 17. « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères. » Premièrement, c'est pour ça qu'il est venu sur la terre. C'est pour ça qu'il s'est incarné. Pour être un grand sacrificateur, pour le souverain sacrificateur, il devait être semblable à ses frères. C'est le prérequis que ça prenait. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre. C'est pour ça qu'il a pris un corps. OK? Quand il dit qu'il est venu semblable, il faut s'entendre, OK? Parce que l'idée aussi, c'était pour expier les péchés, c'est qu'il devait être un substitut. Alors, il devait être semblable à ceux qui étaient pour prendre la place, OK? À un substitut. Quand il dit semblable, quand même, oui, il a connu, il a vu qu'il était charnel, bien, il a été semblable à nous. Il a connu la faim, le sommeil, il a connu la peur, il a connu la joie, il a tout connu, là, de tout, comme nous. Mais une seule chose qu'il n'a pas eue, il n'était pas pécheur. OK? Ça, il faut y penser. Il est venu semblable à nous. C'est pour ça, tantôt, on va voir un petit peu plus loin. C'est pour ça qu'il peut nous aider aussi. OK? Parce qu'il était semblable à nous. Tu sais, Jésus, là, tu l'as regardé, il était semblable à nous. Il était semblable. Alors, c'est dans ce sens-là. Alors, il mangeait, regardez, avec la Samaritaine, il nous dit qu'il s'est arrêté au puits parce qu'il était fatigué. Voyez-vous? Alors, il a été comme nous. Okay? Alors, c'est dans ce sens-là qu'il faut voir. Il y avait un prérequis. Il devait devenir semblable à nous pour devenir le substitut. Christ est mort pour nous. Okay? On devait être sur la croix, il l'a fait pour nous. C'est ça. Alors, il devait être comme nous, dans ce sens-là. C'est le prérequis. Alors, puis ce prérequis-là, on va en avoir besoin tantôt pour voir qu'est-ce que le Seigneur Jésus. Alors, je dirais que le deuxième sous-but, regardez, on l'a au verset 18. « Car, moi je l'ai changé en but au lieu d'une raison, car, ayant été tenté lui-même dans tout ce qu'il a souffert, okay, il a été tenté lui-même, il peut secourir tous ceux qui sont tentés. » Alors, il devait être s'incarner, il devait devenir le souverain sacrificateur afin de nous aider aussi. Sa mission aussi était pas sauver le monde, mais sa mission aussi dans le texte, on peut bien voir qu'il était là pour nous secourir. C'est réconfortant ça, de venir nous secourir, de venir notre aide, de porter assistance, de nous défendre dans un contexte de tentation. La tentation, là, c'est un attrait vers une chose défendue. C'est la séduction. La tentation, ce n'est pas le péché. Est-ce que tenter, c'est péché? Non. OK? Ce n'est pas ça. Être tenté, c'est d'aller vers les choses qui sont défendues. Puis ça, nous autres, là, on est des champions là-dedans à cause de notre nature. Hein? Tout ce qui n'est pas correct, hein? Juste la nourriture. Hein? Parlons de la nourriture. Les choses sont bonnes, mais des choses qui sont défendues qu'on ne devrait pas. Mais elles goûtent tellement bonnes. Hein? Puis aujourd'hui, il va en avoir de la nourriture. Moi, au souper que je vais asseoir, là, il va en avoir. Okay? Puis après-demain, toutes les rencontres que je vais avoir, là, il y a de la bouffe. Là, ça. Alors, mais il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour nos santé. On a une tendance à y aller pareil. Oui, merci. Des fois, c'est la quantité. Hein? C'est difficile de voir cela. Alors, Jésus a été tenté. Okay? C'est important de réaliser ça. Mais il n'a pas été tenté. Il a été tenté à d'autres niveaux que nous, quand même. Okay? Il a été tenté, exemple, quand il était dans le désert. Il a été tenté, là, hein? Pour la nourriture. Pour mettre Dieu, son Père, en épreuve, il dit, c'est juste, les roches ici vont changer en pain. Là, il a été tenté quand que Satan il a dit, si tu m'adores, je te donne tout ça. Hein, c'est quelque chose, là. C'est pas que, moi, j'ai jamais été tenté pour être le Dieu de ce monde. Satan, il n'est jamais venu me voir pour dire, hey, Noël, si tu m'adores, là, je te donne tout ça. J'ai jamais été tenté à ce niveau-là. C'est très différent. Okay? Alors, il a été tenté, mais il a été tenté dans toute chose, dans le sens quand même de la fatigue, la nourriture, tout est, tu sais. Puis, je ne veux pas mettre en doute le Seigneur, mais quand le Seigneur, là, quand Matthieu a fait un gros party, là, puis qu'il a invité les prostituées, puis il a invité tout le monde, là, je ne sais pas comment étaient habillées ces femmes-là, là, je ne sais pas. Mais il semble que, bon, je ne sais pas jusqu'à quel point, là. Je ne peux pas commencer une hérésie, là. Écoutez-moi bien. Mais il a été tenté dans toutes choses. C'est pour ça qu'il peut nous aider. Ça, c'est intéressant. Maintenant, j'aimerais que vous tourniez dans Jacques, parce que Jacques, il nous parle de la tentation. Je dirais que c'est cette partie-là ce matin. Oui, le souverain sacrificateur. On comprend le péché, bien, on quand même... Mais Jacques, le chapitre 1, regardez bien. Chapitre 1, Jacques, verset 13, 14-15, OK? On parle de tentation là, qui est là. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut tenter par le mal. Il ne tente lui-même personne. OK? Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Alors, voyez-vous, là, je dirais que la tentation, c'est la lumière jaune. Je pensais à ça chez nous. La tentation, c'est la lumière jaune. Mais le rendu à la convoitise, là, ça l'a changé, là. Ça, c'est la rouge, là. Quand tu es rendu là, c'est tu devrais t'arrêter. Parce que, regardez qu'est-ce qui arrive après la convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle est conçue, elle enfante le péché. OK? Alors, la tentation, ligne jaune, tu peux être tenté, là. Mais oui. Mais il faut que la lumière jaune, là, tu l'éteignes. Si tu ne l'éteignes pas, ça va venir rouge. Puis là, au rouge, là, si la convoitise, tu laisses ça très longtemps au rouge, là, à ce moment-là, tu vois, ça va enfanter le péché. Puis qu'est-ce que le texte dit? Le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Okay? On ne meurt pas physiquement, là, mais il est clair que ça a une conséquence dans notre vie. Alors, la tentation n'est pas péché, mais il faut être prudent. OK? Quelqu'un a déjà dit, comme la tentation, c'est une autre image, que moi, je suis un gars, j'aime bien les images, c'est comme les oiseaux qui tournent alentour de ta tête. Tu ne peux peut-être pas les empêcher de tourner alentour de ta tête, mais tu peux les empêcher de faire leur nid sur ta tête. C'est ça le point. OK? Les tentations, là, ils vont venir. Moi, là, exemple, moi, j'étais un homme d'auto, hein, je viens d'une famille d'auto. Moi, le printemps, quand l'eau coule là, sur le bord du trottoir, là, c'est l'heure des nouveaux chars. Que vous comprenez? J'ai été élevé comme ça, moi. Le printemps, là, c'est fort. L'eau coule, là, sur le bord du trottoir, c'est le garage. Ça nous appelle. Tu sais, c'est comme les oiseaux ici, là. Quand l'eau gèle, là, ça leur dit quoi? Les oies blanches, c'est de partir, là, parce que les pattes vont leur geler dans la glace. Ça veut dire qu'il faut partir. Okay? Alors, on peut être tenté. Ben oui! Des fois, Marie, parce qu'on n'a plus de maison. Fait que là, Marie, elle dit, des fois, t'aimes-tu ça avoir une maison? Oh, des fois, oui, je serais tenté d'avoir une maison. Mais ça dure 30 secondes. Ça dure juste 30 secondes. Je suis tenté. Parce que j'en ai assez fait de pelouse. J'en ai assez fait de... Vous avez le droit d'avoir... Moi, je fais juste vous dire ce que je vis, là. Vous avez le droit d'avoir vos maisons, là. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vous vendre toutes vos maisons. Mais moi, j'en ai assez fait. OK? Non, Marie, ça dure 30 secondes. Je suis tenté à, mais ça dure 30 secondes. Okay? Quand je vais chez Rona, je vois la tondeuse. c'est un antidote pour moi. C'est un antidote. Aïe, aïe, aïe. J'avais une vieille tondeuse. Je pense qu'il y avait plus de gaz qui sortait en arrière que le moteur. Tu venais quasiment asphyxier à faire la pelouse. Ouais, une longboard. Alors, on peut être tenté. OK? Puis la tentation, souvenez-vous, c'est pas le péché, mais c'est la lumière jaune qu'on doit se souvenir. Maintenant, si on revient à notre texte, là, verset 18, regardez ce qu'il dit. Il dit ceci: car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alors, quand la tentation devient trop grande, notre souverain sacrificateur peut nous aider. OK? Cette année, probablement, on va être tenté par plusieurs éléments. On va être tenté par l'argent. On va être tenté par la gloire. On veut être reconnu. Être quelqu'un, même dans l'Église. Vous savez, chez les évangéliques, il y a beaucoup de gloire. De gloire. Oui! Ah oui! Tu arrives, mettons, dans une pastorale, là. OK? Toi, tu es pasteur d'une église de combien? 18. C'est correct. Non, mais est-ce que vous voyez ça, là? Le piège? Tu sais? Le piège de se tirer bretel. Oui, mais c'est quoi tu fais, toi, dans l'église? Moi, responsable, moi, du bâtiment. Non, mais c'est quelque chose. Je suis responsable du bâtiment, là. C'est moi qui est responsable. Tu as une équipe de combien là-dedans, toi? Oh, on est plusieurs. C'est moi. Hein, voyez-vous, il y a de la gloire partout. Alors, on veut être reconnu. Et ça, il faut être prudent. On veut le matériel, les maisons, les autos, les vêtements, la beauté physique. En tout cas, il semblerait là, qu'aujourd'hui, un des commerces qui est le plus... c'est la beauté physique. Il y a des milliards là-dedans. C'est quand même quelque chose, là. Puis là, le Botox, puis toute la gang, là, tout, moi, j'ai rien contre ça, là. Mais encore là, jusqu'à quand tu vas utiliser ça? Ah, et puis le Botox, là, la peau t'étire tellement que tu ne peux même plus sourire. Tu sais, c'est tellement dur. Hein? Puis, ça ne réussit pas toujours. Hein? Des fois, on voit ça, là, je regarde ça, des fois, des commentaires, pas des commentaires, je cherche des reportages, là, des opérations manquées, puis des botox manqués, là, on m'a dit, tu y penses deux fois. Hein? Les gens, ils ne pensent pas. C'est comme Daniel, quand il s'est fait opérer pour les yeux, puis que le médecin, il a dit, garde, ça fonctionne bien, mais un sur mille devient aveugle. Tu dis, j'espère que le 999e a passé avant moi. Moi, le médecin m'a expliqué que chaque fois qu'on ouvre le corps humain, il y a un danger de virus, puis des microbes. Il y a un danger, là. Ouais. Il y a tout le temps un danger quand c'est ça. Alors, voyez-vous, alors malheureusement, tu sais, là, alors, mais je dirais pour nous, écoute, je ne suis pas contre la chirurgie esthétique. Tu sais, si tu as les oreilles en comme des éléphants, là, tu peux te les faire réparer. OK? Tu peux te les faire réparer. Tu sais, s'il y a quelque chose là, qui fait que tout le monde te regarde, là, puis que tu peux te le faire réparer, là. C'est pas. Appelle pas ça de l'humilité, là, de dire ah, moi, je suis tellement humble. Là, non, là, tu peux te le faire. Fais-toi là, coller les oreilles. Tu sais. Oui, c'est ça. Alors, tu peux te les faire. Mais je dirais que pour nous, on va être tenté cette année, surtout dans nos attitudes, on va être tenté cette année de critiquer. On va être tenté cette année de dire « Oh là là là là! » On va être tenté de dire « Ah, oh, mon conjoint, ma conjointe! » On va être tenté. C'est de la tentation, ça, du chiolage. Je vais être tenté de chialer. OK? Ben oui. Je vais être tenté. Je vais tenter de chialer sur mon travail. On va être tenté de chialer sur la bouffe de ma femme. On va être tenté de chialer sur notre propre vie. Oui, oui, oui, oui. On va être tenté d'accuser les autres. On va être tenté d'accuser le chien, puis le chat, puis l'oiseau, puis tout ce qu'il y a là. Mais le Seigneur va nous... Et le Seigneur va nous en délivrer. Moi, là, ce que je vais me souvenir de 1 Thessaloniciens, il y a un verset que je vais me souvenir. 5, 18. OK. Rendez grâce en toutes choses, car cela est la volonté de Dieu. Tu veux faire la volonté de Dieu? Rends grâce. Lui, là, Paul, regardez, Paul, lui, là, il n'avait pas peur de reprendre les gens, mais il faisait ça d'une façon très spéciale. Il commençait toujours par un compliment. Si vous regardez ça, regardez les lettres de Paul. Hey, je rends grâce au Seigneur pour vous. Puis là, il arrivait avec la viande. Là. Paf! Puis là, après ça, il refermait ça avec un compliment. OK? Regardez qu'est-ce que Jésus fait avec les églises dans l'Apocalypse. Il commence par quoi? Il commence pas par les reprendre. Là, voici, à un moment donné. Nous, c'est pas ça qu'on fait généralement. On est tenté tout de suite de dire qu'est-ce qui est mauvais chez la personne. Ça peut être ton enfant, ça peut être... Là, moi, je parle dans un contexte général. OK? On va être tenté de faire ça cette année. On va être tenté. Puis, il y a une bonne nouvelle. On a un souverain sacrificateur qui peut nous aider à ne pas faire ça. OK? Nous aider... pas à dire, Seigneur, aide-moi. Ce n'est pas l'idée de dire, vous savez, la réalité, puis la vérité, on a le droit de la dire. C'est toujours le comment de le dire. Moi, je dis toujours aux gens, on peut dire tout ce qu'on veut, soyons gentils et polis. Je peux te dire, je peux dire que c'est bon, c'est gentil ou pas, ou poli. Mais des fois, ce n'est pas ça qu'on fait, c'est dans notre attitude. OK? C'est ça qui se produit. Puis des fois, on le dit avec l'humour noir. On parle sur le côté, là, comme une petite joke, mais on devrait le dire franchement, c'est tout, gentiment, poliment. OK? On va être tenté de faire ça. OK? Mais on a un souverain sacrificateur. Et c'est ce que j'ai écrit ici, comme conclusion, je termine. Jésus est notre grand sacrificateur qui désire nous aider pour la nouvelle année, pour l'année qui s'en vient. Qui arrive dans quelques jours à nous délivrer de nos tentations. Hébreux. Regardez, je termine avec Hébreux 4, si vous avez Hébreux 4, 14, 15, 16, c'est très clair. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Puis là, la beauté de ça, c'est ce verset ici. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. C'est pas beau ça? Qu'est-ce qu'on peut dire? Amen. Amen. Alors prions, s'il vous plaît. Alors Seigneur, merci de ta grâce, ta bonté envers nous. Merci parce que tu es notre grand souverain sacrificateur. Merci parce qu'on est ici ce matin. C'est toi qui as bien voulu nous prêter vie. Merci pour cette journée. C'est une journée qu'on peut être heureux. Je sais que des fois, on vit des moments. Peut-être qu'on aura des mauvaises nouvelles tantôt, parce que la vie, on ne peut pas la contrôler. On ne sait pas, comme Proverbe dit, on ne sait pas ce qu'une journée peut enfanter. On est juste rendu à 11h20 ce matin, Seigneur. Alors, la journée va finir à minuit. Alors, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Mais sachant que tu es avec nous, nous avons l'assurance de passer au travers de cette journée avec joie et avec paix. Merci Seigneur. Amen.